jaune, douce couleur de l'automne, et l'esprit qui s'abandonne à la rêverie d'un été déjà enfui. Revoilà les oies sauvages partis pour un long voyage, loin du froid, loin des orages. L'automne est mon ami. Des airs liquides de la gare, où se sont dit au revoir. Au revoir et à jamais, tous les amants d'un été ont la même destinée. Revoilà la ville qui